C'est un nom de Paris qui chante et qui sourit, mais qui vous attendrit, Mimi. C'est simple et c'est gentil, c'est un nom tout petit, mais pour moi ça suffit, Mimi. Il est plein de fraîcheur, comme un bouquet de fleurs, c'est la joie de mon cœur, Mimi. Un peu de fantaisie, un brin de poésie, c'est le nom de ma Mimi. Je l'ai murmuré comme une prière et je l'ai chanté plus de mille fois. Si tu le voulais, ma vie tout entière, je ne le dirais, chérie, que pour toi. C'est un nom de Paris qui chante et qui sourit, un nom qui m'a conquis, Mimi. Et je voudrais un jour qu'il rime avec amour et même avec toujours, Mimi. Déjà pour mon bonheur ou bien pour mon malheur, il est seul dans mon cœur, Mimi. Comme une mélodie, il embellit ma vie, c'est le nom de ma Mimi. Ma chanson est finie, car je vous ai tout dit, Mimi. Et ce refrain qu'un soir j'ai fait sans le vouloir contient tout mon espoir. Mimi.